Genève est réputée pour sa célèbre bise, ce vent froid du nord qui heurte les Alpes, puis emprunte le couloir du plateau suisse et du lac Léman, et qui peut souffler avec des pointes de 100 km à l'heure. Mais si désagréable qu'elle soit, la bise est nécessaire au blé de la campagne genevoise. En desséchant la terre au printemps, elle forme une croûte durcie à la surface du sol. Il faut alors une force au grain de blé semé en automne pour percer cette croûte, et le blé qui pousse à travers l'obstacle sera alors d'autant plus vigoureux lors de la récolte. Quelle magnifique illustration de la croissance dans la vie chrétienne! S'il n'y a pas d'obstacle, de difficulté, d'adversité, notre vie chrétienne reste chétive, elle s'étiole. Mais quand la bise des contrariétés souffle, notre vie chrétienne progresse quand notre foi est éprouvée par l'opposition ou bien par les tourments de l'existence. Notre communion avec le Seigneur se fortifie et nous devenons vigoureux en Christ. L'épreuve est donc le lot de tout véritable croyant. Elle nous est nécessaire pour nous affermir dans la communion du Seigneur et assurer notre croissance spirituelle. L'apôtre Pierre écrit « Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1, versets 6 et 7. L'épreuve a aussi été le dénominateur commun des chrétiens de l'Église primitive. Pour preuve, voyons les exemples de trois chrétiens qui ont prouvé leur attachement au Seigneur et à l'apôtre Paul au travers de l'épreuve, Silas, Aphrodite et Onésiphore. Prenons tout d'abord Silas, ce prophète, docteur en théologie à Jérusalem, entre en scène dans le récit biblique au moment du premier concile de l'Église primitive, rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Des perturbateurs juifs ont troublé les croyants issus du paganisme en voulant leur imposer la circoncision et les rites de la loi de Moïse. Le problème est assez grave pour que Paul, Barnabas et d'autres avec eux se déplacent d'Antioche à Jérusalem pour aller consulter Pierre, Jacques et les autres responsables de l'Église. Les apôtres tirent leur directive de l'Écriture et grâce à leur fermeté, la menace est écartée. Mais l'alerte a été chaude. Les anciens de l'Église de Jérusalem éprouvent le besoin de rassurer les chrétiens d'Antioche et dans cette intention leur délèguent deux des leurs, Jude et Silas. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Acte 15, versets 32 à 34. Comment se fait-il que Silas décide de rester à Antioche, alors qu'il aurait pu retrouver une vie plus facile à Jérusalem? Il préfère demeurer sur la brèche, là où le combat spirituel est le plus âpre, à Antioche, où les convertis ont besoin d'enseignement. Silas est mis à la disposition du Seigneur pour qu'il l'emploie. Et il l'emploiera de manière évidente, puisqu'à la fin de ce même chapitre du livre des Actes, nous le voyons associé à l'apôtre Paul lors de son deuxième départ pour le champ missionnaire. Nous lisons au verset 40. « Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » Silas sera un compagnon fidèle et l'apôtre pourra compter sur lui. Le voyage en Asie mineure est mouvementé. Puis diverses circonstances conduisent l'apôtre en Europe, à Philippe, une colonie romaine à l'extrémité orientale de la Grèce. Paul et Silas y sont jetés en prison parce qu'ils ont exorcisé une femme possédée. Les voici enchaînés, après avoir été battus. Mais que font-ils dans cette prison? Nous lisons Actes 16, verset 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Étrange cadre pour une réunion d'évangélisation. Des prisonniers roués de coups qui, au milieu de la nuit, chantent des cantiques malgré leurs souffrances. Et la foi de Paul et Silas sera récompensée, puisque le Créateur secoura les assises de la prison par un tremblement de terre. Mais aucun des prisonniers ne profitera de l'aubaine pour s'enfuir. Ils préféreront tous rester jusqu'à la fin de la réunion, parce que soudain, l'Évangile sera devenu pour eux ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le gardien de la prison est persuadé que tous les détenus se sont enfuis. Pris de panique, il va se suicider. Mais Paul le rassure et ce gardien se joint à son tour à l'auditoire de la réunion d'évangélisation. Cette nuit-là, il se convertit à Jésus-Christ avec toute sa famille. Et ainsi, d'épreuve en épreuve et de victoire en victoire, Silas deviendra le confident, le soutien, le bras droit de l'apôtre. Lorsque Paul rédige l'Épître aux Thessaloniciens, la première en date de toutes ses lettres apostoliques, il l'introduit par ces mots « Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. » Silas, ou Sylvain, est encore associé à la rédaction de la deuxième épître aux Thessaloniciens, puis il transmettra aux chrétiens d'Asie mineure la première épître de Pierre, où nous lisons à son sujet « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 12. Silas, ou Sylvain, est donc le compagnon d'œuvre éprouvé sur qui les apôtres pourront toujours compter. Et il en a été de même d'un chrétien de l'église de Philippe, nommé Épaphrodite. Faisait-il partie de l'auditoire de la réunion mémorable de Paul dans la prison, ou s'était-il joint plus tard à l'église de cette ville, nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est offert spontanément lorsque l'église des Philippiens voulut faire parvenir un secours matériel à Paul dans sa prison de Rome. Partir de Macédoine, au nord de la Grèce, pour se rendre à la capitale impériale, n'impliquait pas seulement un voyage périlleux, mais l'évident risque d'être incarcéré à son tour en raison de sa foi en Christ. Néanmoins, Épaphrodite n'hésite pas. Paul écrit aux Philippiens à son sujet « C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Philippiens 2, 30. Et encore « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Philippiens 4, 18. De plus, Épaphrodite est tombé malade en cours de voyage. Paul le rappelle en ces termes. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Philippiens 2, verset 27. Les périls du voyage et en plus la maladie. Cependant, aucune épreuve ne peut dépasser les forces de ceux qui s'attendent au Seigneur. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et si Dieu avait préparé pour Épaphrodite l'issue victorieuse de l'épreuve, il avait aussi mesuré l'épreuve pour un autre compagnon de Paul chargé d'une mission semblable, mais dans des conditions plus difficiles encore. Après un premier emprisonnement à Rome, l'apôtre est provisoirement relâché, mais sous la colère de Néron, l'étau des persécutions se resserre. Paul est incarcéré sur l'ordre de l'empereur, mais sous un régime beaucoup plus strict que lors de sa première captivité. Les chrétiens d'Éphèse, qui prient pour lui, décident alors de lui envoyer du secours matériel. Et qui se dévouera pour cette expédition périlleuse? C'est Onésiphore, un membre de l'Église. Son nom ne figure que dans la deuxième épître à Timothée, la dernière lettre de l'apôtre en son martyr. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. Essayons de nous représenter Onésiphore, cet humble croyant qui, sur place à Éphèse, a d'abord rendu service à l'apôtre avant de se rendre à Rome. Il n'a pas honte des chaînes de Paul, même à l'heure de son martyr. Au ciel, il aura sa récompense. Ajouté à ce qui précède, cet exemple ne nous encourage-t-il pas à endurer patiemment l'épreuve, à accepter la contrariété, à supporter les coups et à glorifier Christ dans l'exercice du service pour lui? Que le Seigneur vous encourage lui-même, chers auditeurs, et qu'il vous bénisse.